Ok, moi je resterai moi-même, adepte à mes principes, j'accepte mes erreurs, mais je suis qui pour refuser un film. J'ai commencé le rap parce que ma vie tenait sur un fil. Maintenant je me dois réaliser, voir les rêves de mon fils. Mais c'est la merde, mes démons me suivent. J'aimerais anticiper pour pouvoir gérer la suite. Et arrêter vos préjugés, tu vas connaître la chute. La solitude, c'est ma pote. En cas de soucis, c'est la première à taper à ma porte. Avec elle, j'ai appris à penser des fois qu'à ma pomme. Et la tristesse m'appelle et moi, comme un con, je décroche. Ah ça y est, je décolle, enfin je vais quelques écorces. Frère, on fait de la. Car on sait tous que c'est des escrocs, ils veulent être blindés. On en a foutre, quoi de notre ego. Moi je resterai juste quel que soit la note de piano. Et une grosse pensée, un ami derrière les barreaux. Et pour rien au monde je changerai, car je suis parti de zéro. I'll be blessing. Do it on an everyday session. I'll be blessing, blessing. Do it on an everyday session. I'll be blessing. Do it on an everyday session. Blessing, blessing. Do it on an everyday session. Reste vrai, c'est-à-dire franc et pas hypocrite. Donc je te dis ce que je pense quand tu t'attends à ce que je te suce la bite. Tu croyais quoi, je suis ni ta mère ni ta groupie. Encore moins ta poule qui tue, et pour que je la prenne accroupie. Je te mens pas, je ressens une saleté de peine accroupie. Dans l'indifférence avec des textes qui le tendent à soupir. C'est ma porte dans l'air ou l'anonymat de ma carte son. Quand la médiocrité marche, car ceux qui détiennent mes cartes sont des ignorants, ils connaissent rien dans la musique, mais des businessmen. Tu vois l'artiste comme un gros paquet de fric. Un gros paquet de rimes ont vécu de la légèreté. Pas du genre à sucer pour le succès et des lèvres gercées. De la dérision et toujours avec le sourire. Quand l'industrie fabrique des pitres qui ne sont que ses sous-fifres. Au final je suis là comme je suis et vos gosses m'en tape. Ça sert dans mes textes, tu me connais pas, tu sais que je m'en happe. I'll be blessing. Do it on an everyday session. I'll be blessing, blessing. Do it on an everyday session. I'll be blessing. Do it on an everyday session. I'll be blessing, blessing. Do it on an everyday session. Tu veux considérer ma venue comme une hécatombe. Je me sens considéré lorsque mes gars tombent. Mon flow une méga bombe, je méga rétombe. Trop de regards me plombent, trop de connards succombent. Car mon art les comble. Les styles, je les ai engrangés. J'ai vu l'avenir en grand. J'ai voulu devenir un véritable danger. Mais le hip-hop m'a pas changé. À travers le changer, juste vu mes valeurs aussi changer. Donc je reste le même. Si t'aimes ou t'aimes pas, c'est pas mon problème. Par si t'as la haine, man, on n'est pas dans Head Mile. C'est pas grâce au mic que je fais des mailles, man. Je suis juste un mélo-méloman. Ma vie un mélo-mélodrame. Monsieur, mesdames, vie avec 3 grammes de mots dans le sang, de flow dans le sang. Je suis pas faux dans le sens. Mon son contribue à ma renaissance. I'll be blessing. Do it on an everyday session. I'll be blessing, blessing. Do it on an everyday session. I'll be blessing. Do it on an everyday session. I'll be blessing, blessing. Do it on an everyday session.